pratique de création sonore de la prison des femmes de Berkendaal à Bruxelles avec Geneviève et Manu. Les déchaînés. Dès maintenant, questions et réponses à propos de la prison, de part et d'autre des barreaux. Un reportage de Manu. Geneviève, pas plus qu'Adam, pas plus qu'Adam. C'est quoi la prison pour toi? Bah, c'est quelqu'un qui reste dans une cellule toute la journée, qui mange du pain sec et que de l'eau. Et si moi je vous posais la question? Très drôle cette question. C'est une très bonne question. Je suis heureuse que vous me posiez la question. La question est très pertinente. À présent, le moment tant attendu, votre avis sur la prison. À votre avis, qu'est-ce qu'une journée type pour un détenu en prison? Excellent cette question. Alors, à mon avis, ils doivent se lever tôt. Après s'être levés, est-ce qu'ils ont l'occasion de faire leur toilette? Je ne sais pas. Ils ont leur déjeuner. Et puis, moi, je dirais comme ça, tout à fait par hasard, qu'ils doivent faire des activités, ils doivent faire des travaux, ils doivent faire jusqu'au moment du repas. Et puis, ils vont manger. Et puis, je crois qu'ils doivent avoir simplement un peu de temps à rien faire dans leur cellule. Et puis, peut-être il y a les heures des visites aussi. Et puis, le soir, après le souper, ben, je crois que chacun retourne de nouveau dans sa cellule et s'occupe comme ils peuvent jusqu'au lendemain. Je pense qu'il faut des activités. Ils commencent le matin. Et alors, ils ont leur déjeuner. Et puis, ils font des activités. Par exemple, écouter la musique ou bien parler. Leurs activités, c'est ça. Et le soir, bah, ils mangent. Et après, je suppose qu'ils mettent un pyjama et qu'ils dorment après, je pense. Je suis certaine, quoi. Oui, ils se promènent dehors, dans la cour. Je pense que ça leur ferait du bien de sortir un petit peu pour prendre l'air, quoi. Oui, je pense qu'il faut du sport. Je pense qu'ils jouent et après ils retournent en prison. Peut-être qu'ils jouent à des jeux comme le jeu de cartes ou le pion, c'est la même chose quoi. Et puis après je pense qu'il y a un avocat qui va à la prison et qui demande pourquoi tu as fait ça et que l'avocat est fâché. Bonjour, je m'appelle Geneviève, j'ai 46 ans. Voici 6 ans et 2 mois que je suis incarcérée à la prison de Berkendaal. Qu'est-ce que vous faites pour vous occuper? Excellente question. On peut aller au préau, ça dure une heure le matin, une heure l'après-midi et une heure en début de soirée. On peut aller travailler, on peut participer à des ateliers, et bien comme je participe pour le moment l'atelier radio avec Zoé. On a une salle, une petite salle, où on peut faire un peu de sport. Ce que je fais aussi, c'est beaucoup écrire. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, donc je réponds. Et alors, j'ai écrit aussi un livre pour moi, quoi, comme un journal intime, comme on a. Je fais quelques exercices dans ma cellule pour me garder en forme. Ce que j'ai fait tout un temps, c'est de la peinture. Donc il y a moyen d'avoir des feuilles, de les acheter, des feuilles à dessin. Ou alors, où je travaille, il y a moyen d'avoir des cartons. Et c'est un bon passe-temps parce que ça détend. Le temps passe plus vite quand on s'occupe. Je fais aussi des mots croisés, des mots fléchés. J'ai des visites. C'est une fois par jour, donc une heure. Je me rends une fois par semaine environ 40 minutes chez le psychiatre et chez le psychologue. Je travaille en régie, c'est du travail d'emballage. Donc, On est occupé, la chef de régie nous propose, quand on a terminé un travail, chaque fois un travail différent, donc ce n'est pas monotone. On ne gagne pas des fortunes, mais au plus on travaille, au plus on gagne de l'argent par mois. Ça nous permet d'acheter certaines choses à la cantine, des produits de nécessité, shampoing, gel douche, et aussi des choses qui nous feraient plaisir, quoi, comme un coca ou un paquet de biscuits, ou, mais du dentifrice, brosse à dents, etc. Parce qu'on ne reçoit rien ici à la prison, sauf quand on rentre, on reçoit le strict minimum. Et puis, on a besoin d'argent pour téléphoner, on a besoin d'argent pour les timbres, pour celles qui fument, cigarettes, briquets. On peut écouter la radio, on peut écouter Radio Campus. moi, je joue de la flûte traversière dans ma cellule, j'ai des partitions. Bonjour, ici c'est Manu. J'ai 24 ans, je suis à la prison de Berkendal et j'aime beaucoup les animaux, j'aimerais bien devenir assistante vétérinaire. Je nettoie ma cellule, 2 fois par semaine on peut prendre un seau et une raclette et nettoyer sa cellule. Sinon on peut travailler en régie ou travailler à la charge où on resserre les repas, on fait le nettoyage et tout ça. J'aime bien lire, écouter de la musique à la radio. Regarder la télévision, me faire des amis, et puis m'occuper tant que je peux, lire et tout ça. Je suis née d'un père et d'une mère inconnue. Je suis arrivée au monde toute nue. Adoptée par une femme en quête d'un enfant. J'ai passé une enfance triste et pas marrante. Seule ma vie s'est passée. Mon avenir incertain n'est pas aisé. A basculé le jour où une dispute a éclaté. Arrivée dans cette prison seule, j'ai pas aimé. Le monde s'est écroulé à mes pieds par ma mère. J'ai été piégée. Je remonte la pente raide et difficile. Seul, je rêve énormément à une divinité. Je voulais savoir ce que tu vas porter quand tu vas te mettre en prison. Très drôle cette question. Quelle sorte de vêtements portons en prison? Ben, on a nos vêtements habituels. Et en journée, quand on sort de la cellule, on doit prendre un tablier bleu, ou sinon on a nos vêtements, comme d'habitude. Pourquoi y a-t-il de la récidive ? Excellente cette question. Alors, moi je crois qu'en prison, on ne nous apprend pas nécessairement à faire autrement que ce qu'on faisait avant. Et donc ça veut dire que, une fois qu'on sort de prison, on ne sait pas très bien où on en est et on ne sait pas très bien quoi faire. Et on va petit à petit refaire ce qu'on connaît, même si on sait que ce n'est pas bien. La prison, c'est une punition et pas... peut-être que ça devrait être plus une possibilité de donner une nouvelle chance à la personne. Pourquoi les prisonniers récidivent ? Pourquoi il y a de la récidive ? Premièrement, on n'est pas prêt pour sortir dans la vie de tous les jours. On n'a pas été préparé. Et on peut aussi retourner en prison parce qu'on n'a pas suivi les conditions qu'on nous a imposées. Donc, ne plus voler, ne plus prendre de drogue si c'est à cause de ça qu'on est en prison. Avoir un psychiatre dehors de la prison et tout ça. Et de ce fait, on peut retourner en prison pour ces diverses manières. Pourquoi est-ce qu'on récidive ? À mon avis, Il y a des personnes qui n'ont pas compris qu'elles ne devaient pas faire certaines choses qui étaient mauvaises. Il va recommencer. Et parfois, il y a des personnes qui n'ont pas peur de la prison. Donc, ils vont deux fois ou trois fois, même ça arrive quatre fois d'aller en prison, peut-être plus, je ne sais pas. C'est aussi par le fait qu'on est, on est mal préparé à retourner dans la vie dehors. Donc, on n'a pas de limite et on est tenté parfois de refaire des bêtises. Et ben voilà, on retourne en prison, quoi. Êtes-vous à l'abri de vous retrouver en prison ? C'est une très bonne question. Non, je crois que tout le monde... Ça pend au nez de tout le monde un petit peu. Et je dirais que même si, par exemple, moi, en tant que papa... Même si je sais que je ne vais rien faire pour pouvoir aller en prison, c'est pas pour ça que je n'irai pas. Soit parce que je serai accusé dans un premier temps à tort, soit parce qu'un de mes enfants aura fait quelque chose de très très grave et j'en serai responsable. Donc je crois que ça pend au nez de tout le monde. Oui, je crois qu'on peut être amené à faire des actes comme ça irréfléchis. Et c'est vrai, en tant que maman, je me dis... Plus dans le sens où si mes enfants étaient en danger ou dans une situation où je pourrais, allez, je vais dire, disjoncter et faire des actes assez graves et le regretter par là, et me retrouver en prison, oui. Ça, oui, je pense. Je crois qu'on n'est jamais à l'abri de se retrouver en prison. Non, je ne pense à rien de particulier, mais je ne pense pas qu'on peut avoir la prétention de croire qu'on est à l'abri de se retrouver en prison. Il faut dire que pour être en prison, il faut quand même avoir fait des choses relativement graves. Puisque d'après ce que je sais, jusqu'à maintenant, on ne fait même pas de prison à partir du moment où l'importance de la peine n'est pas atteinte. N'a pas atteint un niveau X ou Y. Je sais que ceux qui sont condamnés à, par exemple, moins d'un an, par exemple, ne font pas de prison, puisqu'on parle de la surveillance électronique, du bracelet électronique, etc. Bon, je ne suis pas à l'abri de la prison, mais enfin, je ne crois pas devoir, un jour ou l'autre, m'y retrouver, parce que, bon, je ne crois pas faire de choses répréhensibles qui justifieraient la prison. Je ne dis pas que je suis parfait, hein, je fais certainement des erreurs tous les jours, mais que ces erreurs justifient la prison, je ne pense pas. Il est possible que si un jour je me retrouve dans la rue et que je suis totalement désespérée, qui sait, je me retrouverai peut-être sous l'influence de drogués ou bien dans un groupe de drogués ou de personnes ou bien que je serai acculée à voler, je sais pas. J'ai quand même l'impression que j'essaierai d'éviter ça parce que pour moi c'est pas la façon de résoudre ces problèmes, mais vraiment dire que je pourrais jamais m'y retrouver, je sais pas. J'espère que non, malgré tout. Pour ma part, on peut facilement tomber en prison pour n'importe quoi. Pour une agression envers un agent de police, ou pour un simple vol, ou pour un meurtre dans les cas plus graves. On n'est pas à l'abri de ne pas rentrer en prison. Et si moi je vous posais la question ? Quelle jolie question ! C'est une très bonne question. Question très pertinente. Merci beaucoup de l'avoir prononcée. Excellente question. Je suis heureuse que vous me posiez la question. Votre avis sur la prison. Bonjour Céline. Je voulais savoir qu'est-ce que ça t'apporte d'aller en prison. Ah, en prison. J'ai mis été en prison, moi. Je voulais savoir pourquoi tu ne voulais pas y aller. Parce que j'ai un peu peur. Ah oui, je pense que je n'irai jamais en prison. Parce que je ne veux pas et que j'aime pas aller en prison. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu vas aller en prison, Gaëtan ? Pour aller voir comment ils vivent. Ça, j'ai jamais vu comment ils vivaient en prison. Je comprends très bien ce que tu racontes. Moi, il y a quelque chose que j'ai vu en prison. Quoi ? Des avocats. Oh oui, il y a beaucoup d'avocats. D'avocats, quoi ? En prison. Et tu trouves ça rigolo ? Non. Les gens qui vont en prison... C'est pas rigolo. Oui, je comprends. Moi, je trouve pas ça rigolo non plus. De quoi manque un détenu ? C'est une très, très, très bonne question. Alors, moi, je crois d'attention, de réconfort, de bien-être et de reconnaissance. Et moi, j'ajouterais l'amour et l'écoute. Moi, je serais curieuse de savoir ce qui leur manque le plus. Oui. Parce que si je me dis aussi, tiens, moi, je serai en prison, ma famille, les enfants, Oui, je serais curieuse de savoir ce qui réellement leur manque le plus. Qu'est-ce qui vous manque le plus en prison ? C'est une très bonne question. Un tas de choses. Sur le plan affectif, la relation avec mes enfants, la relation avec mes parents, mes sœurs, que je ne vois pas assez souvent. Ce qui me manque aussi, c'est mes amis qui, au début, étaient là, puis m'ont tourné le dos, m'ont abandonné, m'ont laissé en prison, parce que peut-être pour eux, la prison, c'est, ça devient une habitude, en fait. Ils ne se rendent plus compte qu'on est en prison et ce que c'est que de vivre en prison. Ce qui me manque aussi, c'est la chaleur humaine. C'est d'être prise dans les bras, la tendresse, la relation avec un homme. Je trouve que la prison, c'est chacun pour soi, en fait. On ne se fait pas d'amis en prison. La relation avec les gardiens, les gardiennes est assez distante. Ce qui me manque le plus, c'est l'affection d'un être cher, l'amour qui peut nous apporter. Ce qui me manque aussi, c'est pouvoir prendre ma mère dans les bras. C'est quelque chose qui me manque beaucoup, que je n'ai jamais fait et que je pense que je dois apprendre à faire. Quelle image elles ont d'elles en prison ? Est-ce qu'elles arrivent à avoir une image encore positive ou bien avec tout ce qui leur arrive, ça devient de plus en plus difficile ? Donc voilà, quelle image elles ont d'elles-mêmes ? Excellente cette question ! Au début, que je suis arrivée ici, j'avais une image négative de moi-même. Je ne savais pas trop où me mettre. On me rendait une image négative de moi en me parlant mal. Maintenant, au fil du temps, avec les personnes qui m'aident, comme le psychiatre, mon assistant social, qui m'aident peu à peu à reprendre goût à la vie et à espérer que je sois mieux dans ma tête. Quelle image a-t-on de toi en prison ? En fait, au début, et pendant quand même 2-3 ans, c'était l'image que me renvoyaient les autres. Les autres détenus, certaines gardiennes, certains gardiens, c'était de la distance. Je me sentais rabaissée, j'étais insultée, j'étais condamnée par les autres détenus. Dans un regard, il y a beaucoup de choses qui passent. Et en fait, moi, j'ai fait preuve de ténacité, de combativité et d'effort. Je ne sais pas d'où j'ai épuisé cette force, mais un jour, je me suis dit, ça suffit, lève-toi et allez, en avance, quoi. On se reconstruit et on a du chemin à faire. Même quand je sors de prison, je sais que j'aurai toujours du chemin à faire. Quelle image avez-vous de vous-même ? En entrant ici, j'avais une image de moi tout à fait massacrée, en fait. C'était comme si on m'avait sorti d'en dessous de la terre, comme si on m'avait mis dans un sèche-linge avec la vitesse maximale. J'étais très blessée intérieurement. Je ne savais plus qui j'étais. Je ne comprenais pas ce que j'avais fait. Une image extrêmement négative. Ça, c'est le début. Et puis, grâce au soutien de ma famille, d'une psychiatre, d'un psychologue, de mon avocat, j'ai pu tout doucement comprendre peu à peu ce qui s'était passé, me sentir entourée et reprendre après des années, une image plus positive de moi-même, de savoir ce que je vaux, de retrouver ma personnalité de base, qu'un jour je reprendrai ma place dans la société en fait. Et peut-être aussi, qu'est-ce qu'elles auraient envie qu'on fasse pour elles ? De quoi elles auraient besoin pour pouvoir retrouver une vie normale ? Oui, on serait peut-être étonnés de la réponse. Jolie question. Je pense que ce qu'a besoin une détenue, c'est pouvoir reprendre confiance en soi, en la vie et tout ça. Et ce qu'on peut faire pour moi, c'est renvoyer une image positive de moi en sachant que je sois là et que pour me rappeler que la vie vaut la peine d'être vécue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Premièrement, pour toutes les détenues. En fait, interpeller la ministre de la Justice, parce qu'en tant que détenue, ça change énormément pour nous. Avec cette nouvelle loi qui est entrée en vigueur. Donc, je vous rappelle, première condamnation, avant, c'était un tiers. Maintenant, avec cette nouvelle loi, première condamnation, on fait la moitié. Pensez aux peines de 30 ans de perpétuité. Alors, si vous êtes récidiviste, avant, c'était la moitié. Et avec la nouvelle loi, c'est deux tiers de la peine. Donc, ça donne aussi à réfléchir. Je pense une bien meilleure information au sein de la prison quant aux associations. Parce que si on ne côtoie pas de détenus en fin de peine, on ne sait pas à qui s'adresser, à quelle association s'adresser, ce qu'on peut faire, quelle aide extérieure on peut avoir. Ça, c'est une chose. Ce serait vraiment intéressant que le gouvernement ou la ministre de la Justice interpelle certaines entreprises pour qu'elle ait, comme par exemple pour les handicapés, un quota pour faire travailler des ex-détenus. Au même titre qu'elle a un quota pour faire travailler des personnes handicapées. Je crois que ce serait une bonne chose pour la réinsertion. Parce que quand on sort de prison, on n'a pas de travail. Et trouver un travail avec un casier judiciaire, ben, ce sera toujours non, quoi. Sauf si on a vraiment de la chance. Ou parfois, si on est pistonné, ça peut peut-être fonctionner. Comment vous croyez que... Comment il dort ? Comment en prison il dort ? La question est très pertinente. Moi je dors assez mal parce que j'apprends un médicament pour dormir mais il n'est pas assez fort. Le matelas n'est pas très confortable. Et l'oreiller non plus. Ça fait qu'on a mal au dos. Sinon, on dort pour ceux qui n'ont pas ce problème, ils dorment assez bien je pense. Et voilà. Comment dort-on en prison ? Ça dépend. En fait, quand on arrive, on dort très mal. Le réveil se fait très brutalement parce que, personnellement, moi, dès que j'ouvrais mes yeux pendant une seconde, je croyais que j'étais chez moi. Et puis, on voit cette porte rouge de la cellule et, eh bien, on retombe sur terre. Non, on est bien en prison. Alors, confort. Bon, on a un matelas et un oreiller qui ne sont pas idéaux. Ben moi je souffre avec les années passant en prison, je souffre d'un mal de dos chronique. Alors comment dort-on en prison ? Ben aussi avec l'aide des somnifères. Et puis ben on s'habitue avec le temps qui passe en fait. Est-ce qu'il y a parfois des femmes qui se lèvent en prison ? Se lèvent ? Oui, certainement. Mmh. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils se lèvent de leur lit, alors ? Bah, je sais pas moi, pour faire du sport, ou soit du basket, soit une petite partie de foot, ou promener dans la cour. Pourquoi se lève-t-on en prison ? Mais enfin, quelle très belle question. Mais d'abord, à 7 heures le matin, il y a la charge qui passe. La charge, qu'est-ce que c'est ? C'est le chariot avec le café, l'eau chaude et les agents. Et alors, il y a une détenue qui sert. Et ils ouvrent la porte et on est obligé de se lever pour aller prendre son café ou de l'eau pour du thé. On doit se lever pour aller à la douche, c'est obligatoire. Et puis on ne peut pas rester tout le temps dans son lit, donc on est obligé de se lever, de s'occuper à écrire ou à regarder la télé ou à lire. Je m'appelle Alan, un travailleur radio de campus. Comment fait l'amour en prison ? Très jolie question. Merci Alan pour ta question. Alors, faire l'amour en prison, c'est possible quand on rencontre quelqu'un, qu'on a par exemple, on est marié, on a un compagnon dans sa vie. Alors, une fois par mois, on peut rencontrer cette personne, donc dans un petit appartement, ça s'appelle une visite hors surveillance, ça dure 4 heures, et alors il y a un lit, et alors là, on peut faire l'amour avec son mari, son compagnon, son partenaire. Et voilà, ben c'est la façon dont on peut faire l'amour en prison. C'est une fois par mois pendant 4 heures et c'est tout. Je voulais savoir ce que c'est une prison pour toi, Alan. Pour moi, une prison ? Oui. Enfin, il y a une prison, ben, elle peut faire un meurtre aussi. Viol d'une fille aussi. Ah bon ? Oui, oui. Encore voler de l'argent à la banque. Vol de voiture, tout était personne. Agresser une madame dans sa voiture pour voler son sein. Pourquoi on fait ça ? Pour voler sa voiture, soit voler l'argent. Est-ce que pour toi c'est facile ou pas ? Non, pas facile. Non, c'est pas facile du tout. Non, pas du tout. Ça te fait quoi alors ? Ça te fait quelque chose ? Ça te choque ? Oui, ça me choque. Ouais. Je comprends bien, c'est pas facile à ça. Mais non. Libère-t-on facilement les gens en prison ? Ma foi, quelle belle question. C'est l'avocat qui décide si je peux me libérer ou pas. Bah avec une clé, direct quoi. C'est directement avec une clé, voilà. Les déchaînés. Yahoo ! Complètement déchaînés. Yiha ! Tout à fait déchaînés. Yahoo ! Yiha ! Yahoo ! Les déchaînés. Déchaînés. Bonjour, ici c'est Manu. J'étais à la prison de Birkendal, maintenant j'ai été libérée. Je suis dans un centre psychiatrique à Skarbek, le centre hospitalier Jean Titeka. L'équipe est très gentille avec moi, les patients aussi. On est deux femmes pour 20 hommes, donc j'ai le choix. Moi je me sens bien, j'ai pas trop de médicaments. Je me sens mieux, beaucoup mieux qu'à la prison, je dois le dire. Je suis en dehors de ma chambre, donc je peux bouger, aller à l'extérieur quand je veux. Je peux m'occuper comme je veux, jouer aux cartes avec les autres patients, jouer au baby-foot, regarder la télévision, aller au fumoir. Bisous. C'était Les Déchaînés. Les Déchaînés. Les Déchaînés. Les Déchaînés. Les Déchaînés. Les Déchaînés. Les Déchaînés. Les Déchaînés. Les Déchaînés. Déchaînés. L'émission des femmes journalistes de la prison de Birkendal. Déchaînés.